Nous retrouvons Franck Ferrand pour notre rendez-vous un jour dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui le 28 décembre et est-ce que cela vous dit quelque chose? Il n'y a pas grand chose le 28 décembre, c'est mais vrai quand même ça m'a rappelé le 28 décembre 1956, le jour où Dieu créa Brigitte Bardot. Ah, quel beau jour. Et oui, c'est en fait, vous l'aurez compris, le jour de la sortie du film Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot donc et aussi Jean-Louis Trintignant. Un film réalisé par Roger Vadim. Roger Vadim, fou amoureux de sa belle épouse, belle, le mot est faible, elle n'a que 22 ans à l'époque. Il avait écrit ce scénario pour elle, seulement aucun producteur n'en voulait. Et Vadim a aussi écrit le rôle d'Eric Carradine pour Kurt Jürgens, un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque était une véritable star. Il se trouve que Brigitte a fait parler d'elle à Cannes, notamment au festival, où elle a un peu joué les starlettes cette année 56. De sorte que les financements ont commencé à venir, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Le film est tourné. Il sort donc ce 28 décembre 56. En France, l'accueil est mitigé. On reproche à Bardot notamment une voix un petit peu fifille, ce côté femme-enfant qui fera d'elle en vérité un mythe. Et lorsque le film sort aux États-Unis, c'est un triomphe. Les critiques sont dithyrambiques et le succès va être, alors lui, mondial. Et le film a fait scandale aussi, non? Oui, bien sûr. C'est tout de même l'histoire d'une fille très libre, notamment sur un plan sexuel. Certaines scènes de nu ont été censurées dans plusieurs pays. Des intégristes religieux ont conspué le film. Ils accusent le diable plutôt que Dieu d'être le créateur de Bardot. C'est aussi ce parfum de scandale qui va faire le succès du film et propulser Bébé au sommet. Le petit port de Saint-Tropez aussi du reste, qui est le décor du film et qui plus tard va de plus en plus attirer toutes les vedettes possibles. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h. Quel est le thème de l'émission? Nous suivrons pas à pas le roi Zibeline dans son incroyable voyage. On est au 18e siècle. On sera à l'écoute. Merci Franck Ferrand, à tout à l'heure.